Chapitre 19. En avant. Hansel, s'étant agenouillé, pria avec tant de ferveur qu'il ne vit, qu'il n'entendit rien de ce qui se passait autour de lui. Le jour avait pris le dessus, la brume matinale s'était dissipée, et les sentinelles, voyant à quelques pas d'elles le blanc colosse, avaient de tous les côtés donné l'éveil. Le généralissime comte de Falkenstein ne fut pas long, vous le comprenez, à sortir de sa tente et à faire mettre en liberté les deux frères de Hansel Eck. La vue de l'irrésistible protectrice fit naître dans les cœurs les plus endurcis un saint enthousiasme. Les fanfares retentirent, les cloches tintèrent, les tambours battirent, les bannières flottèrent. En moins d'un instant, toute l'armée fut au pied de l'image miraculeuse, désertant sans crainte des positions désormais à l'abri. Il eût été bien facile aux assiégés de dégager la place, de s'emparer du camp abandonné, mais ils demeurèrent tous ébaubis, la bouche ouverte, cloués sur leurs remparts, ne pouvant pas quitter des yeux la redoutable apparition. L'armée épiscopale tout entière, s'étant agenouillée, entonna un cantique que les alouettes et les grillons accompagnèrent à plein gosier. Des milliers de soldats et de paysans ne chantent pas impunément de la sorte. Hansel sortit de ses pieuses méditations pour se boucher les oreilles. Il fallut à Falkenstein 4 bonnes minutes pour obtenir un peu de silence. Le calme rétabli, il écouta le récit et les pieuses exhortations du sculpteur avec déférence. Chacun s'empressa de reprendre les pratiques religieuses longtemps abandonnées. Hansel, le favori de Jésus, était le vrai maître du camp. Un matin qu'il adressait sa prière à la Sainte Mère, la brise lui apporta des ordres célestes qui le remplirent de joie. La chute de Münster était résolue. Le Seigneur l'avait choisi pour commander l'avant-garde qui devait pénétrer dans la ville assiégée. Dès que l'on sut dans le camp que Hansel Eck allait se mettre à la tête d'un détachement, tout le monde voulut marcher sous ses ordres. Après s'être mis d'accord avec François de Waldeck, Falkenstein et Meinhard de Hamm, Hansel fit choix de 400 hommes déterminés, prit pour lieutenant Wilkenstedding et confia le drapeau à Jean de Twickel. Par politesse pour Madame la Vierge, on décida que l'attaque aurait lieu le 24 juin, jour de la Saint-Jean-Baptiste. J'oubliais de vous dire, mes enfants, et cela est important, que, voulant éviter, si faire se pouvait, toute effusion de sang, l'on avait, le 22 juin, sommé une dernière fois la ville de se rendre. Bockelsohn avait répondu par des railleries. Hansel Eck attacha au drapeau la rose de Jéricho et la prière du soir achevée, on se mit en marche.